Chers amis, bonjour. En direct d'Aurillac, dans le Cantal, en Auvergne, notre grand jeu de l'été, 100 euros pour les vacances. Avec nous, Martine Morin, notre candidate. Bonjour Martine, vous êtes de la région ? Non, je viens de Rennes. Je suis là pour les vacances avec mon mari, mes deux enfants et ma nièce. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Martine ? Je travaille dans une agence de voyage et mon mari est garagiste. Très bien. Et comment ça se passe, les vacances, Martine ? Chacun a ses occupations. Oh là là, ma fille et sa cousine passent leur temps à se balader. Mon mari lit et fait du vélo. Et le petit, il ne peut pas rester en place. Il joue au ballon dans le jardin, il fait du vélo avec son père. Mais moi, je préfère faire des jeux sur ma tablette à la terrasse d'un café ou visiter des musées. Ah oui, en fin d'après-midi, on va se promener en ville. C'est parfait. Vous êtes détendue pour notre jeu, alors. Vous êtes prête ? Je vais vous poser la première question. Pouvez-vous nous dire comment s'appellent les habitants de Madagascar ? Les Malgaches. Très bien. Nous prenons la deuxième question. D'où vient le curry, plat à base de viande ou de poisson, et de curcuma, d'oignon et d'ail ? De la Réunion. J'adore ça. Oui, fantastique. Maintenant, attention, quelles régions d'outre-mer sont situées dans l'océan Pacifique ? La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et... Et, Martine, il vous reste 20 secondes. Et Wallis et Futuna. Bravo ! C'est parfait !